إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا 18 في دراسة كتاب العلامة الشيخ النجمي حفظه الله تعالى، المورد العذب الزلال. وسندخل 18e cours autour de ce livre, La source délicieuse et abondante dans la critique de certaines voies du da'wa et de certaines croyances. وصلنا الآن إلى الباب التاسع وهو في بيان من تقد على الإخوان المسلمين. Nous sommes maintenant au 9e chapitre. Et le chapitre, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala l'a intitulé ainsi: éclaircissement sur les critiques émises vis-à-vis sur les frères musulmans. يقول حفظه الله تعالى: اعلم وفقني الله وإياك أن حينما نعرض لبيان من تقد على الإخوان أو غيرهم، إنما نفعل ذلك إن شاء الله بيانا للحق ونصيحة للخلق وأداء للواجب الذي نيط بحملة العلم الذين حملهم الله هذه المسؤولية وكلفهم بها، في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accomplisse et nous avec toi, que quand nous attaquons à montrer les erreurs et à critiquer les frères musulmans ou autres groupes que les frères musulmans, nous le faisons pour montrer la vérité et par conseil aux créatures d'Allah Azza wa Jal, et pour accomplir notre devoir, le devoir qui a été imposé et qui est une obligation aux hommes de science. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la réfutation est leur devoir et qu'ils doivent accomplir leur devoir. C'est pour ça que les hommes de science refutent les erreurs de beaucoup de groupes, que ce soit Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala ou les autres mashayikh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les vivants et qu'il couvre sous sa sainte miséricorde les morts. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait cette obligation. Et écoutez cette citation que nous fait Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dans Sourate Al-Baqara. Il dit: ceux qui cachent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit sont dit comme éclaircissement et comme guidé. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a montré et l'a éclairé aux gens dans les livres, ceux-là Allah subhanahu wa ta'ala les maudit. Et ceux qui maudissent vont les maudire aussi, sauf ceux qui se sont repentis et ont fait le bien et ont éclairé ceux-là. Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur repentir. Et il est celui qui accepte leur repentir et il est le clément. Donc, l'éclaircissement. Et quand les hommes de science critiquent une voie, ou l'un groupe, ou l'un une personne, c'est pour remplir leur devoir. Le devoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé. Ce n'est pas pour le plaisir de parler et de critiquer. Ce n'est pas pour le plaisir de la critique. Loin de là. C'est pour le conseil et pour s'acquitter de leur devoir. حفظهم الله تعالى. وكلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث في صحيح الجامع. ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى له من شاهد. ويقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. Donc aussi ils le font, pourquoi? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait que ça, c'est leur devoir. Quand il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique dans Sahih al-Jami', transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset et parlez de Banu Israël sans gêne. Et il dit: celui qui ment sur moi, qu'il s'assure un siège au fin fond. C'est-à-dire celui qui ment sur le prophète, qu'il s'assure une place, un siège au fin fond de l'enfer. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, dans ce qui est rapporté par le Bukhari, que celui qui a témoigné rapporte aux absents, par le Seigneur, de quelqu'un qui transmet, hein, et que celui à qui il a transmis le comprendra mieux que lui. Et il dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage de quelqu'un qui a écouté ma parole et qui l'a comprise et qui l'a transmise comme il l'a entendue. Tout ça, ce sont des textes et des preuves qui font l'obligation que les hommes de science doivent déclarer la vérité. Ils doivent lever l'étendard de la vérité. Ils doivent refuter le faux et faire la critique des voies qui ne sont pas les voies du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont en divergence avec la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Wa kama awjaba Allah azza wa jalla ala ahli al-ilm an yubayyinu lin-nas ma fi al-kitab was-sunnah min ahkam wa shara'i'a wa qadaya, faqad awjaba Allah alayhim an yaruddu ala man khalafaha مخالفة قليلة أو كثيرة في مسألة أو مسائل أو قضية أو قضايا، إذا كانت المخالفة في الأصول والعقائد، وإن وجوب ذلك عليهم لا يقل أهمية عن وجوب بيان الأصول في الدين إن لم يكن آكد، لأن الأحكام التي لم يصبها تشويه ولا تحريف ستبقى محفوظة. و ستبقى محفوظة ومأمومة للناس في كل زمان ومكان، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما الأحكام والقضايا المشوهة، وأقصد بالمشوهة التي شوهتها أفهام معكوسة وعقول انحرفت عن الحق بسبب ما أصابها من جراء التلقي، فظنوا دينا ما ليس بدين، وظنوا حقا ما هو باطل حتى واجهوا الحقيقة المرة. وانطبق عليهم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Et Cheikh de nous dire, Hafidhahullah Ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire pour les hommes de science d'éclairer les gens sur les sujets et sur le contenu du livre d'Allah Azza wa Jalla et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et sur ce que contient le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam comme loi et comme législation, il a fait obligatoire aussi sur les, aux hommes de science de réfuter à ceux qui sont en divergence avec la législation d'Allah Azza wa Jal et avec le livre d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Que la divergence soit grande ou petite, que la divergence soit sur un sujet ou sur plusieurs sujets, quand la divergence est concerne les fondements de cette religion et les croyances, car l'obligation de refuter est aussi importante que l'obligation d'éclairer les gens. Comme il est obligatoire aux hommes de science de transmettre les fondements de la religion et d'éclairer la communauté sur les fondements de cette religion, sur les détails de cette religion, il est obligatoire aussi pour eux de refuter tout ce qui est en divergence avec cette religion et avec les fondements de cette religion. Sinon, il est recommandé encore plus que d'éclairer. Car les sentences et la législation qui n'a pas été défigurée, il va rester protégé et préservé en tout lieu, en tout temps. Et le saura celui qui l'aura su, il l'aura su, celui qui l'ignore, il l'aura ignoré. Mais quand les sentences et la législation ont été défigurées, on l'aura rajouté, on en a diminué, ils ont été défigurés par des compréhensions qui n'en sont pas et par des raisons qui ont été déviées de la vérité. Hein? Et ces raisons qui ont été déviées de la vérité, ils ont pris pour religion ce qui ne l'est pas. Ils ont pris comme véridique ce qui ne l'est pas, ce qui est faux. Et quand ils se sont retrouvés face à la vérité, s'applique sur eux ce verset, la vérité dans le delà. Quand ils vont se retrouver devant Allah Azza wa Jalla avec le faux qu'ils ont propagé, avec le faux qu'ils ont défendu, avec le faux sur lequel ils ont débattu, avec le faux sur lequel ils se sont entêtés, bah ils vont se retrouver, s'accomplira pour eux ce verset qui dit, dans Surat Al-Kahf, qui dit, vous voulez que je vous annonce ceux qui ont perdu leurs actes, ce sont ceux qui se sont égarés dans ce bas monde. Ils croient qu'ils sont sur le bien, et qu'ils font le bien, et qu'ils sont sur la bonne voie. Ceux-là ont mécru en les signes d'Allah, Azza wa Jal, et ont mécru en sa rencontre, et leurs actes ont été avilis, non avenants, écrasés, poussières. Et le verset nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera aucune importance le jour de la résurrection. Aucune importance ils auront ces actes le jour de la résurrection. Ni les personnes. Wa nahnu yaqulu al-shaykh wa nahnu nu'minu anna man lam yalqa Allah bit-tawhid alladhi ma unzilat al-kutub wa ursilat ar-rusul wa haqqat al-haqqa wa khuliqat al-jannatu wan-nar illa min ajli annahu sayuwaji wa hadi al-haqiqata al-murra حتى وإن كان ممن يزعم أو يزعم له أنه من الدعاة إلى الله ومن شك في هذه الحقيقة فليعلم أنه لم يعرف الدين الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي تحدث عنه القرآن فأسهب وبين ما يناقضه بيانا شافيا لا يتسرب إليه شك ولا يبقى وراءه للحقيقة مطلب كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشيخ de nous dire, nous croyons que celui qui ne rencontre pas Allah Azza wa Jal avec le monothéiste qui a été révélé dans les livres, qui a été descendu dans les livres et avec lequel ont été envoyés les messagers, et pour lequel il y a le paradis et l'enfer, et pour lequel il y aura les comptes le jour de la résurrection, il va se retrouver devant cette réalité amère. Même s'il fait partie de ceux qu'on prétend qu'ils sont des du'at ila Allah Azza wa Jal. Et celui qui a un doute sur cette réalité, qu'il sache qu'il ne connaît pas la réalité de l'islam. Qu'a transmis Muhammad alayhi salatu wassalam. Cette réalité de l'islam dont nous a parlé le Coran, et cette réalité sur laquelle tourne l'islam qui est le monothéisme, dont le Coran ce n'est qu'un éclaircissement sur le monothéisme et sur ce qui est le contraire du monothéisme qui est l'associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala nous en a éclairé d'un éclaircissement énorme. Un éclaircissement devant lequel doit rester aucun doute, aucune ambiguïté. Allah subhanahu wa ta'ala, dans certaines citations, nous dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui fasse des associés. Il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Et celui qui fait un associé à Allah, Azzawajal, hein, il a un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah, Azzawajal. Il a amené du mensonge sur Allah, Azzawajal. Il est arrivé avec un énorme péché devant Allah, Azzawajal. Quoi que de plus énorme que d'associer Allah, Azzawajal. Il n'y a pas de péché au-dessus de ça. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui fasse un associé. Il pardonne, en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Wa alaykoum salam. Et celui qui associe Allah, Azzawajal, il s'est égaré d'un égarement clair et grand et énorme. Et aussi dans l'autre verset, il Messie a dit, ô descendants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Car celui qui associe Allah, Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, lui a interdit le paradis. Et sa demeure sera l'enfer. Et les injustes n'ont pas d'alliés. ولما عدد الله عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقد صدر الله هذا الخبر باللام الموطئة للقسم وهي من حروف التأكيد مبينا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لئن صدر منه الشرك هو وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل وأعلاهم عنده مقاما وأعظمهم عنده جاها ليحبطن عمله وليكونن من الخاسرين وحاشاه من الشرك ولكن هذا على سبيل الافتراض فتبين من هذه الآيات أن الشرك الأكبر محبط للعمل ومخرج من الملة وموجب للخلود في النار يكون دون سورة الأنعام Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre de messagers alayhi salatu wassalam. Et il a dit à la fin du verset, et s'ils associaient, leurs actes seraient non avenants. Alors que ce sont les prophètes d'Allah azza wa jal. Et tout ce qu'ils auraient fait, s'ils associaient Allah azza wa jal, aucune valeur. Tout tombe à l'eau. Et il a dit aussi, en s'adressant à Muhammad alayhi salatu wassalam, la plus noble des créatures, et l'imam des monothéistes. Et si tu es associé, ton acte sera non avenant. Et tu seras parmi les perdants. Et le verset, il a commencé par l'âme, qui est en réalité une lettre d'Al-Qasam, et qui est en réalité ici une lettre pour la recommandation, la forte recommandation, pour recommander au prophète, alayhi salatu wassalam, que si il émane du prophète alayhi salatu wassalam et hacha de l'associationnisme, alors qu'il est le messager d'Allah azza wa jal, ben son travail serait non avenant. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a été l'imam des monothéistes. Et l'imam de ceux qui ont transmis le monothéisme. Par excellence. Mais ceci, ce verset, c'est une supposition pour te montrer le danger de la situation et le danger de l'associationnisme. Et que le grand associationnisme sort de la voie de l'islam, sort de l'islam. Et qu'à la fin, si on meurt sur l'associationnisme, on est éternellement au feu de l'enfer. وَقَدْ قَلَبَتِ الصُّوفِيَةُ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَةِ فَزَعَمَتْ أَنَّ دُعَاءَ الْمَخْلُوقِينَ مِمَّنْ تَزْعُمُ لَهُمْ الْوِلَايَةَ وَتَدَّعِي لَهُمْ الْكَرَامَاتِ سَوَاءً كَانُوا أَحْيَاءً أَوْ أَمْوَاتًا وَالِاسْتِغَاثَةَ بِهِمْ فِي الشَّدَائِدِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَحْضُ الدِّينِ ولبه وحقيقته بل غلت في الأولياء حتى جعلت مع الرب منهم أقطابا يتصرفون في الكون ثم زادت في الغلو حتى جعلت إلهها ومعبودها حالا في مخلوقاتها أو في بعض مخلوقاتها انظر للمزيد من هذا كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل أو الكشف عن الصوفية لأول مرة وسترى أن الصوفية كلها داء عضال وسم قاتل وبلاء ليس فوقه بلاء فإن كنت قد عوفيت منها فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه العافية. Mais le sophisme a bouleversé et a retourné les réalités. Et les sophies ont prétendu que le fait d'appeler, de demander aux morts et de demander aux personnes Ils prétendent que ces personnes à qui ils demandent, ils se sont des walis, ils ont l'alliance d'Allah, ils ont le wilaya. Et ils prétendent à ces personnes qu'ils font des miracles. Hein? Soit en étant vivant, soit en étant mort. Et ils leur demandent secours au moment où ils sont dans les difficultés, à tel point que l'un des emblèmes, إِذَا دَاقَتْ عَلَيْكَ الدُّنِيَا فَعَلَيْكَ بِأَهْلِ الْقُبُورِ. Quand tout, quand rien ne va plus, que tu es serré, appelle les gens des tombes. Ah, dans leurs emblèmes. Et le fait de demander aux morts et de demander à ces waliyis comme ils prétendent, ils ont dit que ça, c'est la crème de la religion, c'est le pivot de la religion. Ils sont allés même loin. Ils ont dit que il y a des pôles d'al-sophisme, ce qu'ils appellent Aqtab, qui gèrent ce monde, qui gèrent l'univers. Il y a un qui gère les tremblements de terre, il y a un qui fait ceci, il y a chacun. On dit que c'est comme ça. Barakallahu fikoum, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans qu'on pleure la Palestine, libérez-la, puisque vous gérez le monde. Voici une chose, faites-la. Hein? Libérez la Palestine. Vous dites que votre Aqtab gère le monde, ben, Smella, tfaddal. Nous avons besoin d'un Saladin pour libérer la Palestine. Allez-y. Faites-le. Prouvez-le. Prouvez à cette communauté que vous gérez l'univers. Ils sont allés même loin dans leur extrémisme, comme il dit Chir ici. Ils ont fait que leur Seigneur qu'ils adorent, que lui et la créature sont identiques. À tel point parmi leurs mécréances, c'est que certains parmi eux disent dans un poème, hein, que leur dieu et le chien, c'est la même chose. Que le porc et leur dieu, c'est la même chose. Que le rabbin et le curé dans une église, c'est la même chose. Et que Dieu, c'est la même chose. Hein? Malkalb wal khinziru. Hein? Illa ilaha na'udhu billahi mimma yaqulun. À ce point-là est arrivé le sophisme. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وأخيرا فهل ترون أن من يتربى في أحضان الصوفية يخرج سالما من معرتها لا والله إلا من يشاء الله إنقاذه بل أقل أحواله أن يخرج مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر الذي يهدم الإسلام ويقوضه من أركانه وإذا ذهب التوحيد فقد ذهب الإسلام وكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة لأنها أسست على غير الأساس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. Et à la fin, le Cheikh de nous dire, est-ce que vous voyez que quelqu'un qui est éduqué dans les girons du sophisme, il va sortir sain du sophisme? Loin de là. Par Allah, il ne sortira pas indemne du sophisme. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le sauve. Hein? La moindre situation, c'est lui, s'il n'aura plus d'allergie contre l'associationnisme. Il voit l'associationnisme devant lui, il bouge pas. Ça y est, son cœur, il est mort. C'est quelque chose de normal pour lui, l'associationnisme. L'association, le grand associationnisme qui abolit cette religion et qui détruit cette religion de la base. Car quand le monothéisme est parti, qu'est-ce qui reste de la religion? Il ne reste rien de la religion. Il n'y a plus de monothéisme, il n'y a plus de religion. Et chaque dawa, qui dans le point de départ et dans la base, ce n'est pas le monothéisme, c'est une fausse dawa. Hein? Parce que il n'est pas basé sur la base principale et sur le pivot principal de cette religion, sur laquelle a basé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sa religion. فالذي يتربى في أحضان الصوفية من إخوان وياسينية وأتبليغ والمشايخ عندهم تربوا في أحضان الصوفية مثلا خذ مثلا لك حسن البنا هل هذا الذي يتربى في أحضان الصوفية خرج سالما من معرتها ومن بلائها وأدوائها لا والله ولا يخرج من بلاء يواد وإلا من شاء الله له سبحانه وتعالى أن يخرج إلا من عرفه الله سبحانه وتعالى التوحيد وهذا كالشيخ عبد الرحمن الوكيل حفظه الله تعالى ورحمه الله، والشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، وجماعة من علماء أهل السنة المصريين والمغاربة كانوا صوفية وعرفوها وتركوها وتابوا منها إلى التوحيد وعرفوا الإسلام المصفى. ومنهم إمام المغرب وعلامة المغرب في هذا الزمان شيخ تقي الدين الهلالي، كان تيجانيا وأنقذه الله سبحانه وتعالى من طريقة تيجانية، ونفع به الله سبحانه وتعالى وبدعوته. Donc maintenant, est-ce que tu vois que quelqu'un qui est éduqué dans le sophisme et dans le mysticisme, il va être épargné, il n'y aura pas de trace. Loin de là, l'islam. Il en est de même pour la tête des Ikhwan et les fondateurs de la secte des Ikhwan comme Hassan al-Banna et autres. Ils ne sont pas sortis indemnes du sophisme. Sort indemnes du sophisme que ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le monothéisme, leur a fait connaître le monothéisme. Il y a eu, parmi les savants égyptiens, qui étaient soufis, qui sont revenus, qui ont connu le monothéisme. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés avec le monothéisme. Parmi les grands savants marocains aussi. Donc, par exemple, parmi les égyptiens, Abdurrahman al-Wakil, c'est lui qui a écrit la Risala. Ça, c'est la soufia, reconnaissez-la. Cheikh Hamid al-Fiqi aussi, qui est devenu un authentificateur. Allah, il était soufi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé, il a connu le monothéisme, un défenseur de la sunna et du monothéisme. Hein? Et beaucoup parmi les Égyptiens, et aussi parmi les Marocains, il est une des têtes. Il est un des emblèmes de la science d'Afrique du Nord et du Maroc, Cheikh Taqi Dil Hilali, rahmatullahi alayh. Il était un grand tijani, d'une tariqa tijaniya. Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé avec le monothéisme. Il a sauvé des gérants d'Yel Tijaniya. Il a fait de lui un emblème de la sunna. Il y a un homme de la sunna et un défenseur de la sunna. Wa aqallu ahwal alladhi yatarabba عند الصوفيان يخرج مسبول اسلوب الحساسية عن الشيخ، وهذا له أمثلة في جماعة التبليغ والإخوان، يعني لا يبالي بهذا الذي يهدم الدين فيتساهل مع أهل الشرك ويغض اعترافه عما يجري من الشرك حوله وحول القبور والأضرحة، وربما حضر الاحتفالات التي تقيمها الصوفية وحضر الموالد لأنه رجل تبلد إحساسه تجاه الشرك وتجاه البدع، وهذا الذي يأخذ الإنسان إذا صاحب الصوفية، هذا الذي يرثه منهم. La moindre situation, rahamukallah, la moindre situation de celui qui est éduqué par les soufis, c'est qu'il n'a plus d'allergie contre l'associationnisme. Et ça a beaucoup d'exemples, que ce soit dans Jama'at Tabligh, chez l'Ikhwan et autres, chez les Yassinites, autres. Donne un exemple. Mon beau-père, il est avec Jama'at Tabligh. Il a fait l'Inde, le Pakistan avec eux. Et un jour, alors qu'il est assis à côté de soi-disant un des hommes de science du Jama'at Tabligh, et la sofra a été étalée. Et parmi ceux qui ont service, des gens vont pour distribuer le pain, donner les verres, etc. pour la bouffe. Un parmi eux, parmi ses serveurs, il avait une amulette autour du... Comment on appelle ça? Hein? Le biceps. Autour du biceps, il a une grande amulette. C'est-à-dire, pour le protéger, etc. On sait pourquoi ils mettent les amulettes. L'allergie à l'associationnisme, mon beau-père ne l'avait pas perdu, donc il a essayé de tiquer, il a essayé de faire quelque chose. Mais, le soi-disant homme de science, Gal Jama'at Tabligh, lui a dit non, laisse-le. Laisse-le. Quand il comprendra, il le jettera de lui-même. Subhanallah. Il est dans le monothéisme. S'il meurt à ce moment-là, tu le laisses mourir dans l'association, laisse-le. Laisse-le. Laisse-le mourir dans l'association. Laisse-le. Du moment qu'il est avec nous, laisse-le. Hein? C'est comme l'un des grands théoriciens de Jama'at al-Ikhwan. C'est quelqu'un, il s'étale sur une tombe, il trouve son apaisement et sa quiétude sur la tombe. Laissez-le. Du moment qu'il est avec nous, laissez-le. Laissez-le. Laissez-le. Tu le vois sur la pente de l'enfer, tu dis laissez-le. Subhanallah. C'est un conseil pour la communauté. Donc, celui qui est éduqué chez les sophistes, il perd l'allergie contre l'associationnisme. Il l'a plus. Il voit les gens tourner autour de la tombe. Non, rien. À tel point, tu entends Jamaat Tabligh et tu dis, si tu vois quelqu'un tourner autour de la tombe, tourne avec lui pour lui faire le rappel. Subhanallah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit tourner avec les associateurs autour de Zuhal, autour de Hubal. Il l'a fait, il agit ainsi. Subhanallah, où est-ce qu'on va? Faites l'association pour appeler vers Allah. A'oudou billah. Qul hadihi sabil ad'ou ila Allah. Hein? Monothéisme. Où il est? Donc, quand on fréquente les sophies, et ceux qui sont dans les voitures, qu'est-ce qu'il arrive? On n'a plus d'allergie. Contre la chose essentielle. Et contre le mal essentiel de cette religion qui détruit la religion qui est l'associationnisme. Et contre toute forme d'innovation dans ces cas-là, après. Parce qu'après l'associationnisme, qu'est-ce qui reste? Le plus grand péché, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un péché au-dessus de l'associationnisme? Il n'y a pas. Ben, si les sectes te tuent, l'allergie contre l'associationnisme, ah, ça y est, ils t'ont tué, ils ont pris ta religion. فَإِذَا ذَهَبَ التَّوْحِيدُ فَلْيَبْقَ هُنَاكَ إِسْلَامٌ وكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة لأنها أسست على غير الأساس فلا يمكن البنيان أن يقف ولا أساس له وعليكم السلام ورحمة الله فالأساس هو التوحيد فالرسول بقي 13 سنة يؤسس الدعوة على التوحيد والإيمان وأغلب الأحكام في العبادات والمعاملات وغير ذلك كلها يؤسس نزلت في المدينة أما في مكة فالتوحيد والإيمان فقط فهذه مقدمة من الشيخ حفظه الله تعالى ودعوة جماعة إخوان المفلسين هل قامت على التوحيد هذا كما سنراه كما يبينه الشيخ النجمي لا الجواب لا المؤسس وتلامذه وأتباعه هل تربوا في أحضان التوحيد؟ هذا لا، الجواب لا، وسيأتي التفصيل من كلام المؤلف حفظه الله تعالى مستدلا بكتاباتهم وبأقلامهم وبكلامهم يدينوهم من كلامهم ولا يتقول عليهم بشيء. Donc, maintenant quand la personne n'a plus de monothéisme, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste une soumission à Allah Azza wa Jalla? Il reste un islam pour cette personne? Car toute dawa qui n'est pas fondée sur le monothéisme, qui n'est pas basée sur le monothéisme, il est fausse, non avenante, ne donnera pas ses fruits. Hein? Et notre prophète, alayhi salatu salam, la base sur laquelle il était, l'appel au monothéisme. 13 années à la Mecque, ce ne sont que des appels au monothéisme et pour la foi. Hein? Et la majeure, tous les sentences, les actes à faire, etc., les interdits sont arrivés quand? Une fois qu'ils sont à Médine. Une fois que le monothéisme a rempli le cœur. Hein? Donc, le monothéisme, c'est la chose la plus importante. Et son contraire, l'associationnisme, c'est ce qui détruit tout. Et ça, c'est une introduction que fait Cheikh avant de commencer les critiques sur Jamaat al-Muflisun. Est-ce que cette jama'a, sa voie s'est accomplie sur le monothéisme? Par Allah que non. Quand tu vois la vie du fondateur et de ses élèves, et des proches à lui, loin de là, et toute da'wa qui n'est pas basée sur le monothéisme est une da'wa non avenante. Haïa, ils vont arriver bientôt au centenaire. C'est une leurs savants qui respectent la sunna et qui ont écrit des livres au niveau de l'aqida, qui correspond à la sunna, à l'aqida du salaf. C'est une parmi eux, des savants qui respectent la sunna du prophète alayhi salam, et qui écrivent quand ils écrivent conformément à la voix du prophète alayhi salam. Ah! Cheikh Al-Albani les a défiés pour ça. Et le défi, ils ne pourront pas le relever. Parce que, quand tu pars d'un mauvais départ, quand la base n'est pas bonne, l'arrivée est mauvaise. Tu peux pas. Man hurima al-usul, حرم الوصول. C'est impossible. ما بني على فاسد فهو فاسد. Ce qui est construit sur du faux sera faux. Point final. C'est la loi d'Allah Azza wa Jal. C'est la sunna d'Allah Azza wa Jal. On peut pas. فاقد الشيء لا يعطيه. Celui qui n'a pas une chose, il peut pas la donner. فيقول الشيخ حفظه الله وقد آن لنا أن نشرع فيما قصدناه والله يعلم أني لم أقصد تجريح أحد إلا أن يكون في ذكر ذلك الجرح مقصد ديني بأن يكون في ذلك نصيحة لمن اغتر بشخص أو منهج كما فعل ذلكم السلف رحمهم الله حيث قدحوا في من قدحوا فيه نصحا للأمة وبيانا للحق وكتب الجرح والتعديل مليئة بذلك. فهذه الكلمة من الشيخ والله يعلم هذه الكلمة أشد من القسم. فإذا قلت والله يعلم فإذا كان كما قلت فلا بأس وإذا كان خلاف ذلك فقد كذبت على الله. والشيخ يعلم هذا لأنك نسبت إلى الله شيئا غير صحيح. فهذه الكلمة والله يعلم خطيرة جدا. Cheikh de nous dire maintenant, il est temps d'entreprendre la critique. Et il dit, et Allah sait. Et ça, et Allah sait, c'est plus grave que de jurer. C'est plus grave et plus important que le fait de jurer, de faire le serment. Car si tu dis, et Allah sait, c'est la vérité, il n'y a pas de mal. Mais si c'est faux, ça veut dire que tu es en train d'attribuer quelque chose de faux à Allah Azza wa Jal. Et ceci est très dangereux. Et quelqu'un comme Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala ne va pas mentir sur Allah Azza wa Jal. Hein? Et Allah sait que mon but, ce n'est pas de refuter quelqu'un, ni de critiquer quelqu'un pour le plaisir de la critique. Sauf si dans la critique, il y a un but religieux. Il y a un intérêt pour la communauté. Sauf si dans la critique, il y a un conseil à ceux qui se sont fait avoir par cette personne. Sauf s'il y a dans la critique une déviance à la voie des puiseurs d'Allah alayhim. Comme ils ont fait les puiseurs d'Allah alayhim. Ils ont critiqué certains hommes. Par quoi? Par conseil à la communauté. Ils ont rempli leur devoir pour éclairer la communauté sur le bien. Et les livres d'Al-Jarh ou Tadil. Ceci est nommé et cité dans les livres d'Al-Jarh al-Ta'dil. Kutub al-Jarh al-Ta'dil mali'a bi-jarh al-ruwat wa bi-jarh al-mubtadi'a. Wa hada sahih wa la ya'lamuhu illa tullab al-'ilm as-salafiyun amma al-'awam wa al-hizbiyun fala ya'lamunahu. Abadan. Anta 'indak tahdib al-tahdib al-tahdib. Undur fi. Ara kaddab wadda'a. وانت غادي خبيت كذا كذا كذا. هذا ليس للغيبة للغيبة. هذا والله الذي نقاله أئمة الدين ويخشون الله ويعلمون أنهم سيحاسبون على ما يقولون ولكن قالوه نصحا للأمة وحفاظا لمنهج سلف هذه الأمة وحفاظا لهذا الدين. لأن الله سبحانه أوقفهم على ثغر من ثغور الإسلام وهو الدفاع عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Donc, les livres de la réfutation sont pleins de critiques. Hein? Par exemple, tu prends Tadib, tout. Ce rapporteur, que ce soit, c'est un menteur, c'est un qadari, c'est un chi'i, c'est un inventeur, et etc. Et ça, les imams de science, ils savent que demain ils vont rencontrer Allah Azza wa Jal. Ils savent que ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent, ils doivent rendre des comptes à Allah Azza wa Jal. Donc ils vont pas médiser pour médiser, mais ça c'est pour protéger la communauté. C'est un des moyens que Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour cette communauté, pour protéger la religion de cette communauté. Et pour faire en sorte que la voix du Puiseulé reste saine jusqu'à la fin des temps. Et il a fait que ces hommes de science sont comme le soldat sur la frontière. Ils sont sur une frontière. On peut les appeler les agents de la frontière pour que rien ne s'immisce. Ils sont là. Chaque fois qu'il y a du faux qui va arriver, tac, rejette, réfutation. De l'autre côté. Ils attirent la communauté. Flan, c'est un menteur. À tel point, parmi eux, on lui pose la question sur son père. C'est un homme de hadith. Il dit, mon père, dans le hadith, il est daïf. La yakhshawna fillahi lawma talaim. Yaquluna al-haq walaw ala anfusim walaw ala abaim. On lui pose la question sur son père. Oui, c'est un homme de hadith. Il dit, mon père, on n'arrête pas de lui poser la question. Il dit, mon père est faible dans le hadith. C'est une médisance, ça dit là, par Allah, que c'est pas une médisance. On verra, quand on étudiera le chapitre dans Riyad Salihin. Riyad Salihin, c'est un livre. Toutes les maisons de la terre, il y a Riyad Salihin. Mais je ne sais pas comment on passe à côté de ce chapitre où il est permis de médiser. Hein? Vous faites de la médisance. Là, ya akhal islam, on ne fait rien du tout. Hna, on utilise ce qu'ont écrit les hommes de science. Et on les suit à la trace. Et on sait que ça, c'est la réalité. Point final. Et Huma, ce sont, nous jalons sur la réalité. Il nous éclaire sur cette réalité du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Il nous rapporte des paroles de nos plusieurs d'Allah alayhim et des grands imams de cette communauté. Et alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a des hommes et des étalons de la communauté qui protègent cette religion. Et la réfutation, c'est une science en elle-même. Mais ceci ne le connaissent que les savants. Et que ceux qui suivent la voie du plusieurs dans la haine, quant au hizbi, au sectaire, et au awam, au commun du musulman, ils ne le savent pas. Hizbi, c'est de la médisance pour eux. Pourquoi ils disent que c'est de la médisance? Parce qu'ils savent que les gens, que les musulmans en général, haïssent la médisance. Ils savent en même temps que si ils reconnaissent la science de la réfutation et de l'éloge, ça veut dire que ils doivent laisser tomber certains principes fondamentaux. Ils doivent accepter la critique sur leur leader, sur leur théoricien, sur leur écrivain, leur penseur, etc. Mais pour fermer cette porte à leurs disciples et aux jeunes, ils les bloquent comme ça, c'est de la médisance. Et par Allah, ce n'est pas de la médisance. On verra quand on lira ce chapitre d'Allah dans Riyad Salihin, qui est un livre qui est dans toutes les maisons. وعليكم السلام ورحمة الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة رجال أئمة الدين جبال العلم عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. هل كان لهؤلاء الأئمة أن يوجهوا أحدا إلى الغيبة وهم من هم أوعية العلم؟ الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رابورتي دونس لانتخدكسيون دو سون أوتنتيك. Il dit, il nous a été rapporté par Amr ibn Ali, Abu Hafs. Il a dit, Amr ibn Ali a dit, j'ai entendu Hiya ibn Sa'id dire, j'ai entendu Sufyan Thawri, imam parmi les grands imams de la science de cette communauté. Wa Shu'ba, l'un des grands imams de la science de cette communauté. Wa Malik, et qui c'est Malik? L'imam de Dar al-Hijra. Donc, wa ibn Uyayna, que des montagnes de science. Dire de l'homme qui n'est pas très solide dans ce qu'il rapporte, qui est perturbé, qui n'est pas tept, qui n'est pas confirmé dans le hadith. Il dit, il leur a posé la question, est-ce que je dis, quand on vient me poser la question, de dire que celui-là, ce n'est pas un homme tept, il n'est pas ferme dans le hadith, c'est une critique. C'est-à-dire, on ne prend pas de lui. Il a dit, tu annonces tel qu'il est. Laisse bithabt. Il n'est pas thabt. Point final. Est-ce que par Allah, ces imams, Malik, Thawri, Shu'ba, Ibn Uyayna, et d'autres avant eux, et après eux, est-ce que ces imams de la science ont à orienter la communauté vers une médisance? Est-ce que c'est pensable? C'est impensable que ces imams orientent la communauté vers là, loin de là. ويقول حفظه الله تعالى وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه أي جرحوه إن شهرا نزكوه قال مسلم رحمه الله أخذته الألسن تكلموا فيه وروى بسنده إلى الشعب قال حدثني الحارث الأعور الهمذاني وكان كذابا إمام من أئمة الدين ويقول في شيخ كان كذابا ها؟ أغتابه؟ لا نصح لأمة الإسلام وبين هذا الرجل حتى لا يغتر الناس به إيه دون مقدمة دون انتخدكسون ديال الإمام مسلم إنه زايتي دي بار عبيد الله بن سعيد إلا دي جي انتوندو النظر دير Ibn Aoun, on lui a posé la question sur le hadith du Shahr, alors qu'il était debout devant la porte. Et il a dit, Shahr hada, on l'a refuté, on l'a critiqué, il a été critiqué. Shahr nazako, mujrouh. Muslim a dit, rahmatullah alayh, c'est-à-dire que les langues ont parlé sur lui, ça veut dire que les hommes de science l'ont critiqué. Hein? Donc, est-ce que ça, c'est une médisance? Loin de là. Ça, c'est pour ne pas se faire avoir par le hadith de Shahr. Hein? Et il a dit aussi, il a reporté avec sa chaîne de transmission à Sha'bi, qui a dit que le Harith al-Awar, le Hamadani, que le Harith al-Awar lui a parlé et que le Harith était un menteur. Ainsi, il dit de lui, Sha'bi. Shabi dit de l'Hamadani, il m'a parlé mais c'est un menteur. Il m'a rapporté des hadiths mais c'est un menteur. C'est de la médisance? Par Allah que non. C'est un conseil à la communauté pour ne pas se faire avoir par l'Awar al-Hamadani et par autres de tout ce qu'ils ont dit. Hada kadhab, hada un menteur, hada. Wa kana kadhaban. Kalima sa'aba. وهذه لم يقولها الشعبي للتشهي والغيبة هذه قال رحمه الله تعالى نصيحة للسامعين وطلاب العلم وهكذا دأب أهل العلم ينصحون ويحذرون من المخالفين والمنحرفين فالشعبي رجل صالح وعالم سلفي وأحد أئمة التابعين هل به حاجة لاغتياب أحد؟ فكلمة كذاب قالها نصيحة للناس وهو من هو إمام في زمانه donc ce terme menteur qu'a dit Shabi Shabi il l'a pas dit pour le plaisir ni pour la médisance loin de là mais il l'a dit rahmatullah alayh par conseil à la communauté par conseil à ceux qui entendent par conseil aux hommes de science et aux demandeurs de science Et ça, c'est la voie sur laquelle étaient les hommes de science, rahmatullah alayhim. Ils conseillent, ils avertissent, ils donnent des conseils contre ceux qui sont en divergence avec la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils avertissent contre eux, et contre tout égaré, et contre tout égarement. Et Shabi, c'est un homme pieux. Shabi, c'est un salafi, c'est un alim, un grand savant salafi. Et c'est un des grands imams d'Al Tabi'in, les successeurs du compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il avait besoin de mentir? Non, par Allah, le terme kadhab qu'il a désigné pour le Hamadani, il l'a désigné, il l'a traité de menteur par conseil aux gens, pour que les gens ne se fassent pas avoir de lui. وَبِنَا سَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَوْنِ قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. avec sa chaîne de transmission Ibn Aoun, il a dit que Ibrahim, c'est un grand tabi'i aussi, Nakhaya, rahmatullah alayh. Il dit attention, المغيرة بن سعيد et أبا عبد الرحيم, car ce sont des menteurs. Encore un nom de science. il y a réception de science, une montagne de science, qui dit, là, ce sont des menteurs. Et là, c'est pas de la médisance. Là, c'est le conseil à la communauté. Pour protéger le hadith du prophète, alayhi salatu salam. Pour protéger la sunna du prophète, alayhi salatu salam. وحدثنا أبو مالك الجحدري حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا عن عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن ونحن غلمة شباب صغار أي فاعة فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا وكان شقيق يرى رأي الخوارج وهو غير شقيق بن سلمة رحم الله أئمة الدين حنا دابا القصاص قصاص وفاسق وتيلم وفي الاختلاط يقول له اجي تصنت ليه ويجيبوا لك حتى لقاع الدار حتى كاع ما حملتي تشوفوا في الزنقة تيحطوا لك في قاع الدار قصاص وفاسق ومتشبه بالكفار وطبلا قدامه لا لا زيتونة تتماكيي ولا لا قدورة ها وحدة تتخمز وحدة تشوف هذاك والشاب تيشوف هذاك كانوا القصاص القديم القصاص القدام ما كانوش طايحين لهاد الدرجة اللي طايح فيها دابا عمر خالد وربعته ما كانوش تيقصوا قدام العيالات ويلموا العيالات ويقصوا ليهم زيد على القصاص الفسق والاختلاط المحرم واشوف انت دابا قال ليه بأنه تيوصيو ماش قال لهم ما تجلسوش القصاص غير أبي الأحوص فقط وإياكم وشقيق شقيق ماله شقيق كان من هذوك اللي تي يصفتهم يتقنبلو بحال هذو ديال الدروكانيز ها كان تيشوف رأي الخوارج الخروج على الحاكم تكفير بالمعصية وكذا فما خاف ما خشوا في الله لومة لائم قالوا الحقيقة على ما هي ها Donc il dit aussi dans le Muqaddima de Muslim, il nous a été rapporté d'Abu Haddatana, il nous a Abu Kamil nous a dit, Abu Kamil Jahdari, a dit que Hamad l'aura dit, que Ibn Zayd l'aura dit, que Asim l'aura dit, qu'Aba Abdelrahman, alors qu'ils étaient des jeunes, des tout nouveaux jeunes, leur disaient Ne vous asseyez pas avec les conteurs d'histoire, avec le Qussas, hein? Sauf Abil Ahwas. Et attention à Shaqiq. Pourquoi attention à Shaqiq? Parce que Shaqiq, il avait la tendance d'y aller Khawarij. Et je suis Shaqiq, je n'ai pas Shaqiq, Ibn Salama. C'est un autre. Hein? Donc, ils avertissaient même contre les conteurs d'histoire. Maintenant, regarde nos conteurs d'histoire maintenant. Dans leur aspect physique, ils sont tous qui ressemblent à Jacques et Jacqueline. Hein? Dans leur aspect physique. Hein? Ils sont... Leur visage, il est luisant comme celui de l'Al-Azhur qui veut aller à Brest dans un mariage. Hein? Comme ça. Et en face d'eux, les tables mixtes. Et l'Hamdawiya d'un côté en train de se curer les dents, l'autre en train de se refaire son rouge à lèvres, il compte des histoires. Alors que le qsas, à l'époque, il ne le faisait que pour les hommes. Il n'y avait pas la mixité, cette perversité, etc. Alors que là, tu les vois, ils te l'amènent jusqu'à l'intérieur de la maison, et tu les vois les clins d'œil, tu vois comment les jeunes, ils se tournent. Comme ça, c'est normal. Et après, tu lui ramènes une panoplie de filles devant lui, ouais, il n'est pas encore marié. C'est normal que sa tête, il pense de tous les côtés. Après, il part d'ici avec un tortocule mesquine. Parce que à droite, à gauche, et après... Hein? Hein? Ça... T'as raison de rire. Parce qu'il y a des malheurs qui font rire. Il vaut mieux en rire qu'autre chose. Parce que si tu suis, tu vas t'éclater les... Voilà. Hein? À ce point-là, on est arrivé maintenant. وهذا كله فمن مقدمة صحيح مسلم الكشف عن معايب الرواة وهذا dans l'introduction de صحيح مسلم tu vois il y a un titre qui s'appelle dévoiler les défauts des transmetteurs. Pourquoi les dévoiler? Parce que la chaîne de transmission fait partie de la religion. Et cette religion doit la prendre didine. Hein? C'est pour ça que les hommes de science, ils ont. ويقول الشيخ حفظه الله وهذا أوان الشروع في الملاحظات والقواعد. dit الشيخ النجمي حفظه الله تعالى maintenant est arrivé le temps de commencer la critique et de montrer d'attirer l'attention de mettre le point sur de mettre le doigt sur les erreurs et de crever l'abcès. Ouais, ça va faire mal, c'est normal, mais c'est un conseil. Hein? أول هذه الملاحظات التهاون في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلقون منها. من هم إخوة المفلسون؟ ومن أدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومقرر المنهج الإخواني حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك بل من أكبر أوكاره في مصر وهو مشهد السيدة زينب. Cheikh de nous dire maintenant, il est temps maintenant de mettre les points sur les i, de crever cet abcès et de voir les erreurs où ils sont. Et la première des remarques, c'est qu'ils donnent pas, que l'Ikhwal Muflisun ne donne pas l'importance au monothéisme. Au monothéisme de la Tawhid al-Uluhiyya, le monothéisme de l'adoration. Et ils ne font pas que ce monothéisme de l'adoration soit une base par laquelle ils partent, de laquelle ils partent dans leur da'wah. Il dit fait partie de ses preuves, c'est que le fondateur de ce parti, et celui qui a fait les jalons, les principes fondamentaux du groupe, Hassan al-Banna, il a donné des conférences dans l'un des plus grands lieux de l'associationnisme en Égypte, qui est le Meshed del Seyyed Zeynep. Hein? Parce que c'est la base. Alors, comme on a dit, pour connaître réellement un groupe, il faut voir ses fondateurs. Comme ça, tu sais pourquoi tel docteur réagit comme ça, pourquoi tel théoricien, il t'aimait ses théories. Il l'a pris de qui? Il y a un fondateur derrière. وَبِحُكْمِ أَنَّنَا نَتَطَرَّقْ لِجَمَعَةِ الْإِخْوَانِ فَالشَّيْخُنَا جَعَلَ فِي الْحَاشِيَةِ نُبْدَةً عَنْ حَيَاتِ حَسَنِ الْبَنَّا فَنَقْرَأُهَا أَوَّلًا. يقول الشيخ حفظه الله حسن البنا قال في كتاب النقط فوق الحروف لأحمد عادل كمال وكل هذا تبيه من كتبهما. ولد الأستاذ حسن البنا بقرية المحمودية مديرية البحيرة بمصر سنة 1904 للميلاد أي ما يوافق بالهجري 1323 أو 1324 وتلقى أول دراسته في كتاب في كتاب القرية في المدرسة الإعدادية بالمحمودية ثم في مدرسة المعلمين الأولية بدمنهور ثم في دار العلوم بالقاهرة وقد تميز في كل هذه المراحل بأنه كان دائما أول الناجحين حيث كان موضع فخر أساتذته ورعايتهم وكان من المتوقع أن ترسله وزارة المعارف لإنجلترا أو فرنسا على عادتها في إفادة أوائل الحاصلين على دبلوم دار العلوم لولا ظروف خاصة جعلت الوزارة تخرج عن ذلك التقليد. حسن البنا même la biographie qu'il nous ramène, Cheikh, il la ramène de un livre qui s'appelle Les points sur les i, les points sur les lettres, là, les points sur les i, si tu veux, qui est d'Ahmed Adil. Il dit que Oustad Al-Banna, le professeur Hassan Al-Banna, il est né dans un village qui s'appelle Mahmoudia, dans la préfecture de Bhira en Égypte. Au l'an 1904, qui correspond à peu près à 1323 ou 1324. Et ses premières études, il va les faire dans le Koutab. Là, on apprend le Coran dans son village. Et après, il va aller à la petite école dans le Mahmoudia, et après à l'école des instituteurs à Damanhour, et d'un coup à la maison des sciences au Caire. Et à chaque étape de ses études, il était intelligent, donc il était parmi les premiers. Et ça, il faisait la fierté de ses profs. Et les profs s'occupaient de lui. Et il était le ministère des connaissances, à sa coutume, il envoyait les premiers de leur classe, et ceux qui sont intelligents, etc., soit vers la France, soit vers l'Angleterre. Pour des raisons particulières, ça ne s'est pas fait pour Hassan al-Banna. فلا شك أن الرجل رحمه الله كان ذكيا ونشيطا وكل هذا معروف عنه هذا لا شك فيه أنه كان ذكيا ونشيطا لا يشك فيه أحد دونك حسن البنا إتي انتليجون إل إتي فيف فزي بوكو دو شوز بوجي إتي تري أكتيف حصل الأستاذ على دبلوم دار العلوم ولم يبلغ 21 من عمره فتمت عينه مدرسا بمدرسة الإسماعيلية الأميرية في الدرجة السادسة وتسلم عمله في 20 شتنبر 1927 واستمر بعد ذلك مدرسا في المدارس الابتدائية 19 سنة لم ينال فيها الدرجة الخامسة إلا بحكم قانون الموظفين المسنين. Donc, Hassan al-Banna a eu son diplôme de prof pour enseigner à Dar al-Ulum, à la maison des sciences. Il avait à peine 21 ans. L'année d'après, il va fondre la Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin. Et il a été désigné comme instituteur à l'école d'Yel Ismaïlia, au 6e degré. Il avait 20 ans quand il a commencé son travail. Et il l'a commencé en 1927. À peu près quelques mois après, il fondera la Jama'a d'Yel Ikhwan al-Muslimin. Il a continué à être instituteur dans le primaire 19 ans. Il n'a pas monté à l'échelon supérieur, qui est l'échelon 5, seulement par l'âge. L'âge qui a fait qu'ils doivent le monter à l'échelon 5. Mais sinon, ils ne lui ont pas donné d'office. Fa al-Banna kana mu'alliman. Walakin min huna, tanabbah. يتبين لك خطر هذه المهمة وهذه المهنة. فبعض الأخوات منذ 10 سنوات إلى الوراء سألنا الشيخ العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى هل نبعث أولادنا إلى مدارس الإخوان المفلسون في فرنسا؟ قال لا. قالها لماذا؟ لأنه حفظه الله تعالى يعلم شر هؤلاء. فالبنا رحمة الله عليه استغل هذه المهنة، وكذلك الإخوان المفلسون من بعده استغلوا المؤسسات التعليمية والمعاهد والمدارس والجامعات والسكنات الجامعية، وبحكم احتكاكنا بهم في بعض السكن الجامعي في شمال فرنسا حاربونا وحاربناهم ودافعنا عن أنفسنا. فأعظم مجال لهم في الوسط التعليمي وسط الشباب، المعلم، الأساتذة، التلاميذ، الجامعين وغير الجامعين، فينشطون هناك. زيد عليهم كل من تفرع عنهم الياسينيون كذلك، أعظم نشاطاتهم في المجال في مجال التعليم. ولا نكون مبالغين إن قلنا أن 90% من الإخوان المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها تلقوا المنهج في الوسط في الأوساط الدراسية، هناك تلقوا، ما تلقوا خارج عن هذا. 90% ممن هم الآن في رصيد الإخوان المسلمين تلقوه في الأوساط التربوية. Donc, le Banna était professeur, était instituteur, et il a bien su utiliser cette fonction. Cette fonction est dangereuse. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques années en arrière, certaines de nos sœurs en France ont appelé Cheikh Rabir. Et parmi les questions qu'il lui a posées sur l'enseignement, est-ce qu'on envoie nos enfants dans les écoles d'Al-Ikhwal Muflisoun? Il a dit non. texte au sec. Non. Pourquoi? Parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, que ceux-là ils font du mal et qu'ils vont inculquer leur venin aux petits déjà dans le biberon, ils vont leur donner. Ils vont lui donner. Ça va devenir un ikhwani à la base. Ils vont l'éduquer et le faire grandir dans les fondements de l'ikhwaniya. Et les frères musulmans, et la mouvance musulmane, à dire les frères musulmans, se propage dans le milieu étudiant, dans le milieu des étudiants. C'est le terrain, c'est leur terreau, c'est là où ils prolifèrent. Et toutes les tendances qui ont décollé et qui ont pris, qui ont été une réplique de l'Ikhwan comme les Yassinites, font de même dans le milieu universitaire, dans les campus, dans les instituts, dans les ministères des affaires islam, beaucoup de ministères de l'éducation nationale à travers le monde musulman, leurs clés sont tenues par les frères musulmans. Là, le danger. Très dangereux. Très dangereux. Et nous, il y a quelques années en arrière, on les a côtoyés. À force de faire dawa dans le milieu universitaire, dans le complexe universitaire de Camille, ils nous ont fait une guerre à ne plus venir. Ils ont essayé de nous déloger. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous sommes restés là-bas. Et qu'il y a encore la dawa d'Yel Salaf qui se fait encore là-bas. Qu'ils le veuillent ou non. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le dessus à cette da'wah. C'est des dangers publics numéro un. Ils prolifèrent dans ce milieu parce qu'ils arrivent à toucher les parents à travers les enfants. Ils sont très actifs dans ce domaine, dans le domaine de l'enseignement. Et tu n'exagères pas quand tu dis que 90% des adeptes de la secte de l'Ikhwan al-Muflisun ont eu et ont appris les principes fondamentaux et ils ont adhéré à cette secte comme milieu étudiant. T'es de là. Et ils se sont proliférés dans beaucoup de pays, dans le système éducatif de certains pays. Maintenant, nous avons un truc au Maroc qui se passe pour nous maintenant. Les Yassinines, ils sont en train de créer des petites maternelles de quartier. Pour prendre les... Pour amadouiller les parents. Pour avoir les parents de leur côté. Tu crois qu'il le fait pour l'enfant? Là, il y a un islam. Ah, d'accord, dans les chansons, il va faire de lui qu'il y a un Yassinite. Il va lui faire la danse et les chants d'Yel Boutchichia. Et par-delà aussi, il va attirer la mère ou là le père. Et en Europe, ils font de même, dans le sud de la France. Et je crois que vous aussi, à Bruxelles, ils ont commencé à grignoter. Ils sont arrivés hier, ils ont déjà des centres. Tu comprends quelque chose, Nta? Et ils sont sur la même voie que l'Ikhwan. Ils reviennent souvent, ils font référence à Hassan al-Banna. Et quand ils voient Yassine et ses disciples, Bouchichi, Sophie, Hassan al-Banna et ses disciples, Hassafi. Tashabahat qulubuhum. Leurs cœurs se ressemblent. Donc, ils vont dans le même sens. Wa fi mayu sanat 1947, istaqal al-ustad min wazifatihi bi wizarat al-ma'arif bi munasabat insha' al-jarida al-yawmiyya lil-ikhwan al-muflisin. Wa مأخوذ من كتاب النقط على الحروف بتصرف. Et en l'an 1946, Hassan al-Banna va donner sa démission, va démissionner de son poste dans le ministère des Ma'arif en Égypte. L'occasion, pourquoi il a démissionné? Parce que à ce moment-là, cette année-là, a été créé le journal des Ikhwan Muflisoun. Ceci, Cheikh l'a pris directement dans النقط على الحروف, avec quelques modifications. يقول الشيخ حفظه الله تعالى قلت وقد نشأ حسن البنا من أول يومه ونعومة أظفاره نشأة صوفية وقد ذكر ذلك البنا نفسه في كتاب مذكرات الدعوة والداعية. من كتابه يدان مما كتب مفتخرا ومغتبطا، فقال في صفحة 27: وصحبت الإخوان الحصافية بضمنهور، وواظبت على الحضرة. حضرة زعما الحضرة ديال النبي، تيطلقوا لك هذاك الزيف البيض يقول لك ها هو راه دابا يجي الرسول صلى الله عليه وسلم. وواظبت على الحضرة بمسجد التوبة في كل ليلة. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية الشاذلية، وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه، وآذنني بأدوارها ووظائفها. نويزي الشيخ دو نوزيغ دو سيتي دي بارول ديال الحسن البنا الويمام، سكي لا يكخي الويمام. دي البنا البنا حسن البنا il est né, il a grandi depuis qu'il est jeune dans le soufisme. Et Ibn lui-même cite ceci dans son livre Mudakirat Da'wa al-Da'iya, les carnets d'un da'i, de la da'wa et d'un da'i et de da'iya. Il cite ceci en étant fier de ce qu'il cite. À la page 27, il dit: j'ai accompagné le frère al-Hassafiya. C'est une voix soufie. J'ai accompagné les frères d'Al Hussafi et Bidamanhour à Damanhour, et j'étais constamment dans l'Hadra. L'Hadra, c'était un recueil dans lequel ils croient que le prophète est présent, vient avec eux. Hadra, il vient, il se présente. Et j'étais constamment à leur Hadra, à la mosquée Taouba, chaque soir. Et il a dit après: et Sayyid Abdul Wahhab, celui qui donne les autorisations, dont la voix l'Hussafiyya et Shadiliya, est venu une fois, et j'ai reçu de lui l'Hussafiyya et Shadiliya. Donc, il a reçu ce qu'on fait, et il lui a donné l'ordre. Hein? Il a donné l'ouard d'Yelha, et tout ce qui se fait, et les fonctions qu'il y a dans cette tariqa. Donc, il les a reçues directement du cheikh d'Yelha Hussafiyya. Une fois qu'il était confirmé, etc., ça y est, il a fait l'allégeance, il a eu son wird, et les fonctions qu'il doit faire. فالحضراتو هي الذكر المبتدع والإنشاد والرقص في المساجد والزوايا. الحضرة ce sont des invocations qui sont innovées. Des fois, tu les entends, tu ne sais plus. Est-ce qu'ils aboient ou là ils invoquent, parce qu'arrivé à un moment de et les têtes bougent dans tous les sens, alors tu ne comprends plus rien. Des fois ils invoquent avec seul le nom d'Allah, Allah, Allah, Allah, et donnez-nous une preuve où est-ce que vous avez trouvé ce nom seul, vous devez invoquer Allah comme ça, tout seul, Allah, Allah. Après ça part, tu ne sais plus, au bout d'un quart d'heure, tu ne sais plus ce qu'ils disent. Des fois, on a beaucoup de confréries dans le quartier. Une fois, tu es adossé au mur, tu ne fais pas la différence entre les cris, entre l'aboiement de chien et ce qu'ils disent. Rien, tu captes rien. وهنا سؤال: هل كان البنا سلفيا؟ هل جالس البنا محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية أو عبد اللطيف بن حسن أو بن باز أو جالس الشيخ العثيميين أو جالس الشيخ الألباني أو جالس الشيخ تقي الدين الهلالي أو غيره أو الشيخ حمد الفقيه أو الهراس أو غيرهم من أئمة السنة؟ لا، ثم لا، بل أخذ عن الصوفية وأجيز من قبالهم، وكان يحضر الحضرة بالمساجد الصوفية. فهذا كلامه. دونك الحضرة هذه c'est une innovation qui est dans le dhikr. Et aussi, ça, il y a certains sectes, c'est des chants et de la danse, même dans le mosquée. Ils sautent, ils crèvent le plafond avec sa tête. Et pas, tu vois, ils arrivent, ils rentrent en transe, ils ont de ces formes, tu sais pas. Subhanallah. Et des fois, Allah, tu es à côté d'une confrérie, Mais tu comprends pas, tu entends, tu sais pas faire la différence entre le dhikr et l'aboiement des animaux. Hein? Et les têtes qui vont dans tous les sens, et subhanallah. Hein? Et s'il y a une question qui se pose, est-ce que le Benna était sur la voie du salaf ou il était salafi? Est-ce que le Benna, si un jour chez Mohamed ibn Ibrahim, le mufti d'Yal Diyar Saoudia, ou le Cheikh Abdel Latif ibn Hassan, ou le Cheikh ibn Baz, ou le Cheikh Al-Utaymin, ou le Cheikh Al-Albani, ou le Cheikh Taqiyuddin Lilali, ou le Cheikh Mohamed Al-Hirras, ou autre. Loin de là. Rien ne s'est passé de cette façon-là. Mais il s'est assis avec les soufis, et il a pris le wird, et les invocations d'Yal Soufia, et les fonctions d'Yal Tariqa Al-Hassafiya Shadiliya. وقال جابر رزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلاميذه ومعاصره. Voici une autre citation aussi de chez eux. On prend que de chez eux aujourd'hui. Cheikh Hafdallah Ta'ala est cité que leur référence. Jabir Rizq dans son livre Hassan al-Banna avec la plume de ses élèves et de ses contemporains. Ses élèves et ses contemporains, ceux qui étaient avec lui. صفحة 8 وفي ضمنهور توثقت صلته يعني حسن البنا بالإخوان الحصافية وواظب على الحضرة كل ليلة في مسجد التوبة مع الإخوان الحصافية ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع إلى مرتبة التابع المبايع بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية كما ذكر في مذكراته وهذا في الصفحة 28 من مذكراته. Donc Jabir Cheikh prend cette citation du livre de Jabir Hassan al-Banna avec la plume de ses élèves et de ses contemporains. Il dit à Damanhour, la liaison de Hassan al-Banna était solide avec les frères de Al-Hassafiya et il a été constant à assister toutes les soirées à leurs invocations dans la mosquée d'Yal Tawba, avec eux. Et il avait envie de prendre la tariqa. Et il a évolué dans cette tariqa de celui qui aime, de lui du sympathisant, à celui qui a fait allégeance. Donc il s'est élevé en grade. Hein? Il s'est associé même à créer une association sophiste, hassafiste, comme il l'a cité lui-même, dans sa mudhakira. على الباج 28 ترقى عندهم ما شاء الله فهذه نشأة مؤسس جماعة الإخوان المفلسون كما سطر ذلك هو بقلامه إلى يبولي يشير حصافية إسا c'est l'évolution du fondateur. C'est comme ça que le fondateur de cette jama'a a grandi. Il l'a écrit lui-même. قال وفي هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية وانتخبت سكرتيرا لها وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمون بعد ذلك أي إن في الأول جمعية صوفية خيرية ومن بعدها تقلبت ولات جمعية الإخوان المفلسون دون الأصل شنو هو تصوف. Donc il a dit dans son livre, et à cette époque il nous a apparu de fonder une association pour le bien, qui est une association hassafiste, sophiste, pour la bienfaisance. Hein? Il a dit, j'étais élu comme secrétaire pour cette association. Et après il a dit, dans le combat, cette association a été remplacée par l'association d'Al Ikhwan al-Muflisun. Donc à la base, l'Ikhwan al-Muflisun, ils ont été fondés comme quoi? Sur la voie d'Al Soufi. Et après ils ont évolué. Mais ils sont restés soufis quand même. قلت ليهنأ جماعة أو جمعية يقول الشيخ النجمي ليهنأ جماعة أو جمعية الإخوان عراقتها في الصوفية وانتماؤها لها بانغماس مؤسسها في التصوف وكونها خلفت جمعية صوفية حصافية لتقوم بدورها وتؤدي غرضها. فالله الله يا موحدون في عقيدة التوحيد ولا تضيعوها وتميعوها. اقرأوا القرآن وانظروا ما فيه عن الشرك والمشركين من التحذير منه والوعيد عليه. اقرأوا آية واحدة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. واضيفوا قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشيخ دو ديزير كيل سوا ترونكيل هادو لا جامعة لو غروب ديال الإخوان المسلمون ولا لاسوسياسيون ديال الإخوان المفلسون. Ils sont plongés dans le soufisme. Hein? Et à leur appartenance dans. Et que leur fondateur est plongé dans le tasawuf. Et la secte des Ikhwan al-Muslimin n'a fait que remplacer une secte d'une association soufiste. Hein? Hussafiste. Pour accomplir le même rôle qu'elle. Et pour les mêmes buts. Et il dit par Allah, ô unificateur, ô monothéiste, attention au dogme du monothéisme. Ne le négligez pas, ne le gaspillez pas, ne le perdez pas. Lisez la parole d'Allah, Azza wa Jal, et regardez le blâme et l'interdiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'associationnisme et comment il nous avertit contre les associateurs et les avertissements qu'il a fait. Lisez un seul verset, il dit. Et les mosquées sont à Allah, n'invoquez d'autre qu'Allah Azza wa Jal, n'adorez d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Et rajoutez à ce verset, il t'a été révélé, à qui? À Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ce avant toi, que si tu es associé à Allah Azza wa Jal, tes actes seront avilés et tu seras parmi les perdants. Iqra'u sunnah, wasilat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fi da'watihi li taraw kayfa da'a ila nabdi al-awtan wa kasr al-asnam wa tawhidi. وتوحيد الملك العلام ثم قرأوا عن الصوفية لتروا ما فيها من شرك عظيم وتأليه للشيوخ بل لتروا ما فيها من دعوة صريحة إلى وحدة الوجود وإيمان بها. واعلموا أن الشرك والبدع أمور طبيعية عند المتصوفة كل المتصوفة لا يسلم منها حسن البنا ولا غيره. وإن خالجكم شك في صدور الشرك منه في صدور الشرك منه والبدع فإليكم هذا الخبر وإن شككتم في صحته فراجعوه في المصدر الذي نسب إليه. Il dit, حفظه الله تعالى, lisez la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Il lisez la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Il lisez comment il a fait da'wa pour que vous voyez que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a fait face et a combattu l'associationnisme et a cassé les statues. Et appelé vers le monothéisme, vers que le culte soit réservé exclusivement à Allah Azza wa Jal. Il a dit, lisez sur les sophies, pour que vous voyez combien l'associationnisme est énorme chez eux. Combien ils élèvent au degré de Dieu leur chouyour. Et combien il y a, que vous voyez dans leur da'wa, la da'wa vers l'unicité de l'existence. Allah et sa créature sont la même chose. Et combien ils croient en cela. Et sachez que l'associationnisme, les innovations, c'est quelque chose de naturel chez les sectes soufis. Aucun soufi n'est épargné d'une forme d'associationnisme et d'innovation. Même Hassan al-Banna. Et autre que Hassan al-Banna. Et si vous avez des doutes là-dessus, comme quoi il n'est pas tombé dans l'associationnisme, vous allez l'entendre dans ce qu'a va citer Cheikh, Inch'Allah. Et nous allons arrêter là, Inch'Allah, et on reprendra demain. Après salat al-Asr, bi idhnillah, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا.